Before the next part of the scene in the bookshop, listen now to three new words. Comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, puis le français et répétez. Pourquoi? Why? Pourquoi? Téléphoner à l'hôtel. To telephone the hotel. Téléphoner à l'hôtel. Un portable. A mobile phone. Un portable.